Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Eureka! Que vous soyez une otarie, un géranium, une bactérie ou un être humain, trois lettres vous unissent, ADN. Cette molécule contient toute l'information génétique qui caractérise votre développement, votre fonctionnement et votre reproduction. La découverte de sa structure en double hélice dans les années 1950 a révolutionné le domaine de la biologie et donné naissance à des travaux majeurs dans le domaine de la génétique. C'est donc l'histoire d'une révolution dans nos cellules que nous allons vous raconter aujourd'hui. ADN, c'est quoi le code? Tel est l'escalier à double hélice que nous allons gravir dans l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour décoder cette histoire de la découverte de l'ADN, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dominique Stoppa-Lyonnais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service de génétique de l'Institut Curie rattaché à l'INSERM et vous êtes professeur de génétique médicale à l'Université de Paris. Et nous sommes en studio avec Laurent Loison. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des sciences à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques du CNRS et de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. On va commencer tout de suite cette émission avec un travail de définition. Cette émission sera placée sous le signe du décodage, alors j'aimerais, Dominique Stoppa-Lyonnais, qu'on décode d'abord ces trois lettres mystérieuses, ADN. Que signifie cet acronyme ? Eh bien, ça signifie acide désoxyribonucléique. En fait, ça décrit le monomère ou l'élément constitutif de l'ADN qui est constitué d'une base, on les reverra, base azotée ou base nucléique, d'un sucre, le désoxyribose, et puis de phosphore qui réunit entre eux ces nucléotides. Ce mot est arrivé relativement tardivement, Laurent Loison, dans l'histoire des sciences. À partir de quand, finalement, ADN est apparu dans les livres de biologie ? Alors, le fait que le noyau des cellules contient des acides nucléiques, en fait, était connu depuis assez longtemps, depuis au moins la fin du 19e siècle. Mais l'acronyme est très récent à l'échelle de l'histoire des sciences, puisque c'est Watson et Crick, dans leur article fameux de 1953, qui propose cet acronyme. Et en fait, dès lors, il va connaître une trajectoire fulgurante, hein, puisqu'il va... Il va essaimer dans tous les champs de la culture et on le voit omniprésent actuellement dans les médias. Oui, il est mis à toutes les sauces. Quand on pense à l'ADN, on pense un peu rapidement à Watson et Crick au XXe siècle. Laurent Loison, vous le disiez à l'instant, il y avait quand même des connaissances qui étaient établies depuis la fin du XIXe siècle. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu ce qu'un certain Johann Friedrich Miescher, un biologiste suisse, a mis au point et a découvert ? Alors le 19e siècle se caractérise du point de vue de la chimie par la mise au point de tout un tas de techniques qui permettent d'identifier les principales substances organiques. Et ces techniques permettent d'isoler ces substances, d'en connaître la composition générale. Mais en fait, ça ne va guère au-delà de ça et on ne peut pas caractériser finement ce qu'on n'appelle pas encore les macromolécules. Et même cette idée qu'à l'intérieur des cellules, il existe des édifices moléculaires de grande taille et relativement stables, en fait, cette idée n'est même pas pensable à ce moment-là. On imagine que le vivant se caractérise plutôt par une organisation diffuse à mi-chemin entre l'état liquide et l'état de cristal qu'on appelle les colloïdes. Il faudra attendre en fait l'entre-deux-guerres pour que le concept même de macromolécules commence à émerger. Dominique Stoppa-Lyonnais, j'évoquais cette figure de Johann Friedrich Miescher. On ne parle pas encore d'ADN, on parle de nucléines. Qu'est-ce qu'il émet comme hypothèse autour de ces nucléines-là aux alentours des années 1860 ? Il retient que ça pourrait être... Un élément, enfin, notamment que ce sont des protéines, ces nucléines soient constituées de protéines et qui pourraient être l'élément, comment dire, facteur de l'hérédité. Mais on a longtemps cherché cet élément transformant et c'est bien plus tard, je pense qu'on va en reparler avec Griffith et Avery, qu'on a pu faire un lien entre cette espèce de colloïde, facette qu'on n'appelait pas à ce moment-là ADN, ce polymère, et puis le caractère, transformant le caractère héréditaire d'un caractère. Oui, Laurent Loison, la question qu'on se pose vraiment à l'époque, c'est la transmission des caractères, d'où ça vient ? En fait, on se pose la question de la structure qui est responsable de la spécificité de l'hérédité. L'hérédité est quelque chose de très spécifique. Certaines caractéristiques se transmettent inchangées au fil des générations. Et donc, il faut un support pour cette spécificité. Et en fait, le problème, c'est que pendant plusieurs décennies, il y a un écart considérable entre les modèles que l'on propose qui sont éminemment spéculatifs et les données scientifiques qu'on est capable expérimentalement d'obtenir, qui sont très loin de permettre de contraindre ces modèles. Et donc, il y a d'un côté des biologistes qui font vraiment la spéculation et de l'autre des chimistes qui font de la caractérisation autant qu'il est possible d'en faire à l'époque. Mais les deux lignes de recherche ne se rejoindront que très tardivement au XXe siècle. Dominique Stoppa-Lyonnais, vous évoquiez un terme qui est clé pour la compréhension de la transmission des caractères, c'est ce terme d'hérédité. Dans la compréhension de l'hérédité, il y a une figure majeure, c'est Gregor Mendel. Alors peut-être on peut rappeler qui il était et quel rôle il a joué dans la compréhension de la transmission de ces transmissions de caractère. Alors oui, Gregor Mendel, frère Gregor Mendel à Brno, en fait, a étudié, s'est intéressé à la transmission des caractères et a étudié les petits pois. Il est souvent représenté cultivant des petits pois et il a pu, à travers donc l'étude de la transmission de caractère de certains petits pois, notamment la fleur du petit pois qui peut être rouge ou blanche, la peau du petit pois qui peut être lisse ou ridée, eh bien, il a pu déduire trois lois qui ont été essentielles pour comprendre les caractères. Et en fait, on pourrait peut-être résumer les choses sans rentrer précisément dans ces trois lois, c'est que finalement, il a compris que un caractère est lié à un élément transmis par chacun des deux parents. En gros, il a introduit la notion de d'allèle et il a pu montrer, ou si je reviens quand même sur la première loi, c'est qu'il prend, il a pris, et c'était très important les conditions d'utilisation. Il a pris des petits pois qui étaient avec une peau lisse, d'autres avec une peau ridée. Il a pu, en les combinant, c'est-à-dire qu'il a mis le pollen de l'un sur le pistil de l'autre, et à la génération suivante, il a montré que tous les petits pois étaient lisses. C'est la première loi de Mendel. Et puis ensuite, à la deuxième génération, c'est-à-dire, je vous interromps juste deux petites secondes, il arrive à démontrer qu'il y a des caractères dominants. Exactement. Qu'il y a des caractères dominants et également récessif, et il montre finalement, on pourrait résumer les choses en disant qu'il propose que les caractéristiques héréditaires du vivant sont finalement gouvernées chacune par une double commande, une paire d'allèles, et que seule une des deux est transmise aux descendants par chaque parent. Donc c'est en sens qu'il a il a compris les bases de l'hérédité. Laurent Loison, est-ce qu'on peut dire que Mendel est le père de la génétique telle qu'on la pratique aujourd'hui ? Alors, de manière un peu paradoxale, parce que son incidence effective sur le cours de l'histoire des sciences est en fait nulle. Son mémoire de 1866, qui pourrait fonder la génétique, est totalement ignoré. Et en fait, on ne redécouvre Mendel et son mémoire qu'aux alentours de l'année 1900, quand d'autres collègues botanistes aussi redécouvrent les lois de Mendel et s'aperçoivent que, en fait, ce qu'ils pensaient avoir eux-mêmes découvert avait déjà été produit plus de 30 ans auparavant par quelqu'un qui n'aura pas laissé de traces de son vivant, puisque Mendel va décéder avant la redécouverte de ces lois. Donc oui, d'un point de vue théorique, mais non, du point de vue du... Si vous retirez Mendel du paysage, en fait, ça ne change rien à l'histoire de la génétique. Et ça ne change rien non plus à la compréhension, dans cette période-là de l'histoire, de notre compréhension de l'hérédité, de la transmission. Comment on expliquait, dans cette seconde moitié du 19e siècle, l'hérédité ? Alors, en fait, Mendel intéresse peu ses contemporains pour plusieurs raisons. Il y a des raisons accidentelles, le fait qu'il ait publié en allemand dans une revue qui n'était pas très connue à l'époque, le fait qu'il n'avait pas une position extrêmement importante dans la vie académique. Et puis, il y a des raisons plus fondamentales, c'est-à-dire que dans la deuxième moitié du 19e siècle, en fait, on s'intéresse à deux questions qui fusionnent. C'est la question du développement embryonnaire et la question de l'hérédité. On s'intéresse à l'hérédité développementale. Et en fait, la génétique va avoir un essor fulgurant parce qu'elle va réussir réussir à comprendre qu'il faut découpler ces deux questions. Il faut mettre la question du développement de côté pour seulement s'intéresser à la distribution intergénérationnelle des caractères. Et ça, c'est la méthodologie de Mendel, statistique, qui s'intéresse seulement à la distribution des caractères. Mais ça, ce n'est pas ce qui intéresse ses contemporains, comme Weissmann, comme Hugo de Vries ou comme d'autres, qui, dans les années 70, 80, 90, en fait, veulent une compréhension développementale de la formation des caractères et pas seulement une quantification de leur répartition. Mais il avait aussi commencé en grand secret des expériences sur les mutants, utilisant leur pouvoir pour alimenter ses propres recherches. C'est extraordinaire. Une mutante avait découvert ses agissements. Une mutante dotée du pouvoir de se transformer en qui elle souhaitait. Mystique. France Culture. Les humains utiliseront ta personne, ton sang, tes gènes pour fabriquer l'arme qui nous détruira. Eureka. Ils possèdent ton ADN. Ton sang était sur le trottoir. La faute à qui ? Antoine Beauchamp. On poursuit cette émission sur la découverte et la compréhension de la fonction de l'ADN. Et pour continuer, j'aimerais qu'on parle des chromosomes. Je vous propose pour cela d'écouter la voix du biologiste Jean Rostand. C'était en 1959. Ces fameux chromosomes, monsieur Rostand, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est ? Eh bien, ce sont des particules très petites, des particules microscopiques, qui se trouvent dans le noyau de toutes les cellules. Vous savez, tout être vivant est constitué de cellules, de milliards de cellules. Chaque cellule contient un noyau, et chacun de ces noyaux contient un certain nombre de chromosomes. S'il y a un certain nombre de chromosomes dans les cellules qui sont déjà extrêmement petites, le chromosome lui-même doit être quelque chose de minuscule. De minuscule, en effet, à peu près de l'ordre du micron, c'est-à-dire à peu près de la grandeur d'une bactérie. Et ce qui est très important, c'est que le nombre est constant. Chez l'homme, par exemple, dans toutes les cellules de tous les hommes, on trouve 46 chromosomes. Or, il semble, d'après les dernières numérations, qu'il y ait vraiment 46 chromosomes chez l'homme. Nombre constant, chez la mouche du vinaigre, par exemple, il y en aura 8, etc. Et cette constance du nombre des chromosomes est un des phénomènes fondamentaux de la biologie. Voilà la voix de Jean Rostand en 1959. Une réaction à cette archive, Dominique Stoppa-Lyonnais, en quoi la compréhension des chromosomes va jouer un rôle majeur dans l'établissement de la génétique en tant que discipline ? Je trouve que c'est très émouvant, ce témoignage. Et c'est un rôle majeur parce qu'on comprend que c'est 46 chromosomes, c'est 23 paires de chromosomes. Et donc on va retrouver... je trouve que, Laurent Loison, vous avez été difficile avec Gregor Mendel en disant qu'il n'a pas eu d'impact. Mais j'entends très bien ce que vous dites, mais quand même, on va retrouver avec les chromosomes la notion, donc, et les paires de chromosomes, la notion d'allèle, et donc la notion aussi de caractère récessif et dominant, et ce qui va être après si important aussi pour l'ensemble des traits génétiques, mais aussi les maladies génétiques. Et puis bien sûr, allez-y. Peut-être juste une dernière fois, une dernière chose, permettez-moi de rappeler que c'est 46 chromosomes. Mais il y a eu, voilà, je voudrais rappeler la découverte extrêmement importante de l'origine de la trisomie 20, enfin de ce qu'on appelait à ce moment-là le syndrome de Down, ou le mongolisme, qui est moins heureux, lié bien sûr à un chromosome surnuméraire, trois chromosomes 21, découverte que l'on doit non seulement à Jérôme Lejeune, mais aussi à Marthe Gauthier. Laurent Loison, sur cette fonction découverte des chromosomes et sur leur rôle dans la transmission des caractères. Oui, avant ça, juste une petite remarque sur Jean Rostand, parce qu'il faut savoir quand même que dans les années 40 et 50, c'était un des rares biologistes français à soutenir l'importance des chromosomes et de la génétique en général. La France a eu un retard considérable pendant plusieurs décennies par rapport à ce qui pouvait se passer dans le reste du monde, sauf dans certains endroits bien particuliers, notamment l'Institut Pasteur, qui avait son indépendance par rapport à la vie universitaire avec classique. Avec des grands noms comme Monod, Gros, qui ont obtenu un prix Nobel en lien avec la génétique, on y reviendra évidemment tout à l'heure. Si on revient maintenant à cette notion de chromosome, quelle importance elle a, j'aimerais que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien, dans la compréhension de la génétique humaine. Alors cette importance, elle va venir en fait étonnamment, encore une fois, dans un second temps. C'est-à-dire que les premiers grands mendéliens, et notamment, par exemple, William Bateson, qui est le fondateur du terme de génétique, redécouvrent et étendent les lois de Mendel à tout un tas d'organismes, Bateson notamment aux organismes animaux, mais pour autant refusent que les gènes soient des entités matérielles concrètes, et donc ne voient pas de rôle évident pour les chromosomes. Et donc, dans les premières années du XXe siècle, la génétique, qu'on appelle la génétique classique, se développe indépendamment des recherches cytologiques. Et ce n'est que progressivement que la théorie chromosomique de l'hérédité va devenir en fait la base de la génétique. Et dans cette aventure, c'est l'école de Thomas Morgan aux États-Unis qui va tenir le premier rôle avec l'établissement de cartes génétiques dont il montre qu'il y a une correspondance importante entre ces cartes génétiques et la structure physique des chromosomes d'un organisme modèle en particulier, la drosophile, la mouche du vinaigre. Dominique Stopa-Lyonnais, on parle des États-Unis. Tout à l'heure, vous mentionniez un nom très important dans la découverte de l'ADN, c'est un certain Oswald Avery. On est dans les années 1940, il est médecin. Qu'est-ce que Oswald Avery, avec ses collègues, va parvenir à démontrer ? Eh bien, il va démontrer que le principe transformant d'une bactérie, par exemple la transformation d'une bactérie, d'une souche bactérienne bénigne en une souche bactérienne agressive, en fait, est portée par l'ADN. Et qu'on n'appelait pas à ce moment-là ADN, mais il a repris en fait des travaux 20 ans ou d'une quinzaine d'années antérieures de Frederick Griffith. Et il a donc réuni, Griffith avait réuni deux souches bactériennes et l'une inactivée, la souche agressive, inactivée. Et puis il a montré ça pouvait conférer qu'avec caractère, je dirais, agressif à la souche non agressive. Et en fait, Avery a été très important parce qu'il a ensuite montré quel était le constituant qui portait ce caractère d'agressivité bactérienne, et il a montré que c'était l'ADN. Dont on ne connaissait pas la structure à ce moment-là. Et donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. On voit qu'il y a une espèce de confluence pour comprendre la génétique entre les travaux de génétique formelle de Mendel, toute la biochimie, toute la caractérisation chimique, et puis la biologie cellulaire. Ce sont les tableaux, les travaux d'Avery, de Griffith et d'Avery. Laurent Loison, sur cette figure que représente, pardon, Dominique Stopa-Lyonnais, sur cette figure que représente Oswald Avery dans l'histoire de la génétique. Bah, encore une fois, son rôle est pas très simple et un peu paradoxal parce que effectivement, il va faire des travaux qui sont vus rétrospectivement comme montrant que c'est l'ADN en fait qui porte les caractères héréditaires. Mais en fait, c'est très inattendu à l'époque, dans les années 40. C'est pas du tout ce qu'on pense, puisque on imaginait plutôt que c'était les protéines qui étaient le support moléculaire de l'hérédité, parce que c'était des molécules plus compliquées et dont on imaginait plus facilement comment elles pouvaient transmettre la spécificité héréditaire, encore une fois. Et donc, ces travaux des années 1940 sont reçus avec un certain scepticisme de la part des collègues qui pensent que finalement la purification n'est peut-être pas suffisante et que ce sont les traces protéiques qui sont responsables de la transformation des bactéries. Voilà. Donc, ça n'emporte pas complètement la conviction. Ça déstabilise un peu ce qu'on pense. Et il faudra attendre des travaux ultérieurs, au début des années 50, à partir de virus bactériens, les bactériophages, pour vraiment se convaincre que c'est bien l'ADN et pas les protéines qui est la molécule vectrice de l'hérédité. Cet ADN qu'on n'appelle pas encore ADN au début des années 50, Dominique Stopa-Lyonnais, on parvient enfin à comprendre de quoi il se compose. Alors de quoi il se compose cet acide désoxyribonucléique ? Alors, il se compose d'une base azotée, il y en a quatre, c'est finalement notre alphabet génétique, est extrêmement simple. Adénine, thymine, cytosine ou guanine. Il se compose d'un sucre, le désoxyribose. Et puis, les riboses, les désoxyriboses sont reliées entre eux par des ponts phosphores, je dirais. Et chaque brin d'ADN, on le reverra après sur la structure de l'ADN, eh bien, a un sens. C'est-à-dire qu'il y a un phosphore qui est en 5' sur carbone 5 d'un ribose et puis sur le 3 d'un autre désoxyribose. Voilà, donc un monomère, je dirais, ou un nucléotide, tout ça, ce sont les mêmes termes. On parle aussi parfois de paire de bases quand on fait référence à la structure double hélice de l'ADN, eh bien, donc, est constituée d'une base azotée, d'un sucre et de phosphore. Laurent Loison, comment on interprète cette structure basique à partir de quatre nucléotides ATCG dans les années 50 quand on en fait la découverte ? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au début des années 50, ça y est, on a compris, en tout cas les biologistes moléculaires ont compris que c'est l'ADN qui doit jouer le premier rôle. Et à ce moment-là, en fait, on arrive à déterminer la structure des macromolécules par la cristallographie et la diffraction aux rayons X. Et là, ce sont plutôt des physiciens et des chimistes qui travaillent à ça. Du côté des biologistes moléculaires, on propose énormément de modèles différents. Il y a des modèles triple hélice, des modèles à double hélice, des modèles avec les bases à l'intérieur, des modèles avec les bases à l'extérieur. Et donc, il y a une vraie concurrence internationale, en tous les cas, entre des laboratoires américains et anglais à ce moment-là. Et ce qui fait toute la force du modèle finalement proposé par Watson et Crick, c'est qu'il est à la fois très simple, très élégant, qu'il explique la totalité des faits connus et que surtout il ouvre sur des programmes de recherche à venir. Et c'est un modèle qu'on dira extrêmement fécond. Et c'est ça en fait qui est accueilli avec énormément d'enthousiasme par la communauté à l'époque. On en arrive donc bien évidemment, et vous me devancez Laurent Loison, à cette fameuse année 1953 et la grande découverte concernant l'ADN, la découverte de sa structure. Alors Dominique Stoppa-Lyonnais, pourquoi c'est si important que ça de comprendre la structure de l'ADN et pourquoi ça ouvre tous ces champs de recherche qu'évoquait à l'instant Laurent Loison? Parce que cette structure dont on peut peut-être dire un mot, bien sûr, en double hélice, ce sont deux brins, je dirais... complémentaire. D'abord, il faut que nos auditeurs aient en tête que j'évoquais un nucléotide qui était composé donc d'une base azotée, A, T, C ou G. Eh bien, dans cette double hélice, le A, en face du A, il y a forcément un T, en face du C, il y a forcément un G. Ou inversement, en face d'un T, il y a un A, en face du G, il y a un C. Et donc cette structure en double hélice, elle est fondamentale pour permettre, lorsque elle s'ouvre, parce que cette structure s'ouvre assez facilement, puisque il y a des liaisons hydrogènes qui sont pas très solides entre les bases complémentaires, et donc cette double hélice peut s'ouvrir un peu comme on compare à une espèce de fermeture éclair qui peut s'ouvrir mais qui peut aussi se refermer. Et cette double hélice permet à la fois les fonctions essentielles de l'ADN, que sont la réplication de l'ADN, donc la réplication qui est essentielle pour la division cellulaire, et puis ça permet aussi la transcription de régions qu'on appellera codantes, donc en ARN, et puis ensuite plus loin l'ARN sera traduite en protéines. Et donc c'est une fonction majeure que de l'ARN, que d'avoir l'information génétique qui permettra la synthèse des protéines et par là toute l'économie de la cellule. Laurent Loison, sur cette découverte-là, tout part d'une hypothèse émise par Watson et Crick, qu'il confirme comment ? Alors, tout parle d'un modèle très spéculatif, mais d'emblée, Watson et Crick comprennent que, d'une part, l'information génétique, un concept qui arrive seulement à ce moment-là, c'est la séquence des nucléotides de l'ADN, et que c'est comme ça que l'hérédité transmet une spécificité d'une génération cellulaire à la suivante. Et dans le même article fondateur, en fait, ils ont une tournure assez jolie. En fait, ils disent que ça n'aura pas échappé aux auteurs qu'un tel modèle de la structure de l'ADN tout de suite permet d'expliquer comment un gène peut répliquer l'information génétique, puisque précisément cette double hélice peut s'ouvrir et un des deux brins sert de modèle à un nouveau brin en construction. Donc ça, c'est quelque chose d'emblée, hein, avril 53, on comprend ça. Quand est-ce que c'est prouvé ? En fait, ça va être prouvé de manière indirecte par l'ensemble des découvertes qui vont venir après, mais les preuves définitives de la structure en double hélice de l'ADN sont assez tardives et ne viennent qu'à la fin des années 70 et au début des années 80. Mais un modèle, en fait, se prouve avec différents niveaux de preuves, et plus ou moins probables, plus ou moins directs, plus ou moins indirects. En tous les cas, rien n'a contredit la justesse de ce modèle depuis qu'il a été énoncé en 53. Au contraire. On peut peut-être parler des observations qui ont été réalisées par Rosalind Franklin. Comment avait-elle observé cette structure-là et comment Watson et Crick ont interprété ces observations-là? Oui, alors à ce moment-là, au laboratoire Cavendish en Angleterre, en fait, il y avait un groupe qui étudiait la cristallographie de manière très développée. Et Rosalind Franklin était une des personnes très importantes pour ce groupe et c'était une des personnes les plus compétentes en fait pour réaliser ce type de manipulation. elle était chimiste et donc elle n'avait pas forcément saisi l'importance en fait de l'ADN pour la nouvelle biologie moléculaire. Et il n'y avait pas une entente très cordiale entre elle et son patron dans son laboratoire. Et donc, tout ça a fait que Watson et Crick ont eu connaissance de ces résultats, mais qu'il n'y a pas eu vraiment d'interaction directe, en fait, entre ces personnes. Et les résultats de Rosalind Franklin sont publiés directement à la suite de l'article fondateur de Watson et Crick dans Nature en 1953. Et évidemment, ils se sont beaucoup servis de ces résultats qui permettaient de faire la démarcation entre différents modèles possibles. Et sans ces résultats, ils n'auraient pas eu suffisamment de données pour affirmer la pertinence de leur modèle, c'est certain. Dominique Stoppa-Lyonnais, on comprend aussi quelque chose dans cette histoire de la découverte de la structure de l'ADN, c'est que sans certains outils, sans certaines améliorations technologiques, on n'aurait pas pu faire cette découverte. Est-ce qu'on peut établir une espèce d'état des lieux de la technologie à laquelle avaient accès les biologistes à cette époque ? Peut-être que Laurent Loison répondra mieux que moi. Je pense que voilà, mais il n'empêche, enfin, juste un point, on a évoqué les travaux de Rosalind Franklin sur la diffractométrie au rayon X. Elle s'intéressait aux structures du carbone et ça a été un élément clé. Et je trouve d'ailleurs vraiment, je le redis, cette espèce de convergence des connaissances est formidable, quoi, entre la génétique formelle, la biologie et ici la physique. Pour aller voilà, vers des découvertes formidables. Et ça nous redit au passage de l'importance de la multidisciplinarité. Voilà, c'est aussi ça qui est très important. Laurent Loison, sur cet aspect un petit peu technique de la découverte de l'ADN dans les années 50. Oui, il y a énormément de techniques en fait, qui ont rendu possible la révolution moléculaire. Il a d'abord fallu réussir à cristalliser des macromolécules pour pouvoir en observer finement, enfin plus ou moins finement, la structure. Et ça va venir très progressivement. D'abord, on va d'abord réussir à cristalliser des virus, puis des macromolécules individuelles dans l'entre-deux-guerres. Et après, on va se servir des rayons X et justement de la diffraction des rayons X quand ils viennent... quand ils interagissent avec des cristaux de macromolécules. Mais à l'époque, en fait, c'est fait de manière très artisanale et c'est extrêmement difficile à interpréter. Il y a beaucoup d'erreurs, de mesures. Et justement, c'est là que des personnes comme Rosalind Franklin, en fait, avaient une compétence tout à fait particulière et extrêmement rare d'être capable d'interpréter correctement les résultats pour les transformer en données utilisables par leurs collègues, en l'occurrence Watson et Crick. Dominique Stoppa-Lyonnais, Laurent Loison évoquait un mot clé dans la compréhension du rôle de l'ADN dans notre organisme, c'est le mot de réplication. Qu'est-ce que cette découverte du rôle de la réplication dans l'ADN a permis d'établir et pourquoi c'est vraiment une notion clé dès l'instant qu'on parle de génétique ? Parce que la réplication de l'ADN est à la base de la division cellulaire. Elle permet, donc la division cellulaire, c'est ce qu'on appelle la mitose. Donc, d'une cellule, pour qu'elle devienne deux, il faut qu'elle réplique son ADN. Disons, rappelons que pour le génome humain, c'est au total 6 milliards de paires de bases, de paires de bases ou de nucléotides. Et la réplication est également essentielle lors d'une mitose un peu particulière, qui est une mitose qu'on appelle, qui est réductionnelle, qui est la méiose, où le nombre de chromosomes dans la cellule, je reviens au génome humain, 46 chromosomes, eh bien, lors de la formation des gamètes, il y a donc un passage de 46 à 23 chromosomes, et c'est là la méiose, et donc il y a une séparation des caractères parentaux et donc les gamètes correspondent à la moitié du patrimoine génétique d'un des deux parents. Laurent Loison, quelle est la réception de ce papier resté célèbre de Watson et Crick dans Nature ? Quelle est la réception par leur père de ces travaux-là ? Elle est considérable d'abord parce que les gens évidemment lisent Nature et donc ils ont un accès comme ça direct à l'article, et elle est considérable aussi parce que la communauté des biologistes moléculaires, en fait, c'est une communauté avec un faible effectif à ce moment-là. On parle de quelques dizaines de collègues à travers le monde, essentiellement aux États-Unis, en Europe et en Angleterre, si on pense que l'Angleterre est en dehors de l'Europe. Et ces gens se rencontrent pendant des séminaires de recherche, notamment des écoles d'été, et donc ils s'en parlent directement, hein, ils se connaissent vraiment directement. Et donc, à travers cette petite communauté, il y a un enthousiasme qui est partagé. On sait que, ça y est, on a franchi une étape, et que maintenant, la biologie devient autre chose, avec les concepts informationnels qui arrivent. On reconfigure à la fois le langage et les notions de cette nouvelle biologie moléculaire. Avec aussi une reconnaissance immédiate par des prix Nobel qui vont pleuvoir sur les nouveaux généticiens dans les années 50 et 60. Oui, quasiment tous les grands fondateurs de la biologie moléculaire vont se voir décerner un prix Nobel. Watson et Crick en 62, Jacob Monod-Lvov en 65, Max Delbruck aussi qui a été très important, Salvador Luria qui a été le directeur de thèse de Watson, etc. etc. Donc pendant comme ça de nombreuses années, les prix Nobel vont récompenser cette biologie moléculaire. Restez avec nous parce qu'on va voir dans un instant comment cette découverte majeure va donner naissance à une discipline, la biologie moléculaire, avec une quantité inimaginable de conséquences sur notre compréhension du vivant. Trans, Transmission par Joy Division à 16h33 dans Eureka sur France Culture. Nous vous racontons aujourd'hui l'histoire de la découverte de l'ADN en compagnie de Dominique Stoppa-Lyonnais, responsable du service de génétique de l'Institut Curie, rattaché à l'INSERM et professeur de génétique médicale à l'Université de Paris. Nous sommes également en compagnie de Laurent Loison, historien des sciences à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques du CNRS et de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Alors on a parlé juste avant la pause musicale de la découverte capitale de la structure en double hélice de l'ADN en 1953 par Watson et Crick. Au milieu des années 1960, on fait une autre découverte en France, celle de l'ARN messager. Je vous propose à ce sujet d'écouter cette archive de 1964 qui raconte l'histoire de cette découverte. L'expérience que vous allez voir cherche à résoudre un passionnant problème, celui des mécanismes de l'hérédité. Vous vous souvenez peut-être de ces images. Nous vous avons montré dans une précédente émission que dans les gènes, ces grains d'hérédité, se trouve une substance que l'on a pu isoler, c'est l'acide désoxyribonucléique, ou DNA, dont voici la reconstitution de la molécule géante faite de milliers d'atomes. C'est le DNA qui fait qu'un homme est toujours un homme, et qu'il est pourtant toujours différent de son voisin. C'est le DNA qui fait que vous avez les cheveux blonds ou les yeux noirs. Mais on ignorait comment le DNA transmet les informations contenues dans l'agencement de sa molécule. Comment il suscite une série de réactions chimiques dans les cellules qui vont finalement faire apparaître ici un muscle, là une patte ou une oreille. Jamais on n'aurait pu comprendre ce mécanisme, comme on commence à le faire aujourd'hui, si les radioisotopes n'avaient pas existé. Car l'agent de transmission, un autre acide nucléique, qu'on appelle le RNA messager, a une vie de quelques dizaines de secondes. Et aucune autre méthode que celle que vous allez voir, et qui utilise du phosphore radioactif, n'aurait pu mettre en évidence sa réalité et sa fonction. Voilà, une réaction à cette archive et à ces travaux capitaux de Jacques Monod et François Gros, Laurent Loison. Oui, effectivement. Alors en fait, l'ARN, on l'avait découvert déjà depuis quelques années, mais on n'arrivait pas à lui attribuer de fonction. Parce que ces petites molécules, en fait, effectivement, elles ont une durée de vie assez faible, elles sont relativement instables, et on ne comprenait pas trop à quoi elles pouvaient servir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est intéressé précisément à l'ARN qu'on va appeler messager, parce qu'à un moment donné, on a pu poser la bonne question. Et en fait, ce sont les travaux de Jacob et Monod à l'Institut Pasteur qui ont permis de comprendre comment l'activité des gènes était régulée, qui vont finalement faire en sorte qu'on va distinguer deux phases dans la synthèse des protéines à partir de l'information génétique, la transcription, c'est-à-dire le transfert de l'information de l'ADN vers l'ARN messager, et ensuite la traduction, c'est-à-dire concrètement la synthèse d'une protéine à partir d'un brin d'ARN messager. Et en fait, quand ils réfléchissent à ce processus, alors évidemment au départ ils n'ont pas ce schéma en tête, ils font l'hypothèse que la régulation de l'activité des gènes, de l'expression des gènes, elle se fait lors de la première étape. Et si ça, c'est possible, ça implique qu'il existe un intermédiaire à faible durée de vie entre l'ADN et les protéines. Et c'est parce qu'ils pensent, justement, de cette manière-là, que l'ARN prend une place qu'il n'avait pas auparavant et qu'on attribue cette fonction à l'ARN messager. Ça, c'est aux alentours de l'année 1957 et ça va être fait de manière un peu indépendante par François Jacob à Paris et par François Gros qui, à l'époque, était postdoc aux États-Unis. Dominique Stoppa-Lyonnais, sur cette découverte de l'ARN messager, sur la découverte, encore une fois, d'un nouvel élément dans notre code génétique. Alors qu'on ne parle pas encore de code génétique, bien sûr. Alors, effectivement, ça c'est extrêmement important, c'est pour comprendre le lien entre l'ADN, la séquence, on a évoqué tout à l'heure donc l'importance de la séquence, alors qu'on a un alphabet génétique très à quatre lettres seulement, mais la séquence, c'est la succession très précise donc des nucléotides. Et comme, je dirais, la séquence détermine le sens d'un mot, comme les lettres, voilà, c'est la séquence des lettres qui détermine le sens d'un mot. Et donc il est apparu, je crois que c'est dans les années 60, la notion de codon, c'est-à-dire que à quelques, comment dire, à un ensemble de nucléotides, eh bien, pouvait correspondre à un acide aminé. Et je crois que c'est en 61, Nirenberg et d'autres ont compris le code génétique et son universalité. Et comme vous l'avez introduit dans l'émission, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas si différents d'une mouche, d'un éléphant, voilà. Mmh. Et donc cette notion de code génétique est extrêmement importante, c'est-à-dire que en gros, sur les quatre, il y a quatre bases, il y a une combinaison possible de 64 les, la, la combinaison de ces trois bases peut faire 64 codons différents, eh bien, il y en a 61 qui codent pour des acides aminés. Et certains, il y a une vingtaine d'acides aminés dans notre patrimoine, enfin dans les protéines, et donc certains codons vont coder le même acide aminé. Et puis il y a trois codons qui sont ce qu'on appelle des codons stop, qui sont des signaux d'arrêt de synthèse de la protéine. Et je dirais que la découverte du code génétique a été, à mon sens, formidable pour faire le lien entre l'ADN et les protéines. Et voilà, et l'expression, le rôle majeur de l'ADN dans l'expression, dans l'expression des protéines. Laurent Loison, sur cette notion majeure et clé de code génétique, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? J'aimerais qu'on fasse peut-être un petit bilan à mi-étape, parce que c'est un peu complexe, toutes ces notions-là. Si on récapitule et si on schématise et si on fait recours à des métaphores, l'ADN est comme un livre, les paragraphes, ce sont les gènes. Et les mots, ce sont les fameux codons dont parlait à l'instant Dominique Stoppa-Lyonnais. Et à partir de là, débrouillez-vous, traduisez les hiéroglyphes. C'est en gros à peu près l'idée devant laquelle se retrouvent les généticiens au moment où la notion de code génétique apparaît. Oui, tout à fait. Et ces généticiens moléculaires, en fait, sont justement très attentifs au schéma mobilisé par la linguistique et à la manière dont éventuellement cela pourrait constituer une clé d'intelligibilité pour eux. Et donc il y a des rapprochements directs entre des linguistes et des biologistes moléculaires à cette époque-là. Alors si on fait un petit bilan de mi-parcours, je pense qu'il est important pour les auditrices et les auditeurs de bien distinguer, et malheureusement c'est pas souvent très bien fait dans les médias, entre l'idée de la notion de code génétique et la notion d'information génétique. On a tendance à mélanger les deux, et les biologistes moléculaires parfois eux-mêmes à cette époque-là sont pas forcément tout à fait rigoureux dans l'usage des termes. L'information génétique, c'est la séquence des nucléotides et c'est ça qui détermine la spécificité des protéines et donc finalement des caractères phénotypiques. Alors que le code génétique, c'est un système purement abstrait de correspondance entre les triplés de nucléotides, les codons, et les acides aminés des protéines. Donc c'est très différent. On modifie l'information génétique quand on fait du génie génétique, mais on ne modifie pas le code génétique. Le code génétique est à peu près universel, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on peut faire du génie génétique, qu'on peut transférer des segments d'ADN d'un organisme d'une espèce à un organisme d'une autre espèce, et que ça permettra la synthèse de la protéine désirée. Et on viendra bien évidemment à la naissance du génie génétique tout à l'heure. Il y a un autre terme aussi qu'on n'a pas trop abordé encore, c'est la notion de régulation des gènes. Que signifie la régulation des gènes, Laurent Loison? Alors c'est là où l'école pasteurienne en fait va prendre toute sa place, et c'est pour cette découverte qu'ils vont recevoir le prix Nobel en 65. C'est qu'en fait chaque cellule d'un organisme pluricellulaire contient la totalité des gènes de l'individu, et évidemment chaque cellule n'a pas la même structure, et les cellules sont différenciées les unes par rapport aux autres. Une cellule musculaire n'a pas du tout la même structure ni la même forme qu'un neurone ou qu'une cellule de la peau. Et si elles n'ont pas la même structure et la même morphologie, c'est parce qu'elles n'expriment pas les mêmes protéines. Et donc on sait très bien à ce moment-là que nécessairement il y a une régulation de l'activité des gènes, que certains gènes fonctionnent dans certaines cellules et pas dans d'autres. Et la question, c'est de savoir comment ça marche, cette régulation. Et en fait, en mobilisant un système expérimental assez simple, d'une part les bactériophages, c'est-à-dire des virus bactériens, et d'autre part la bactérie intestinale Escherichia coli, Jacob Monod et leurs collaborateurs vont montrer que cette régulation en fait se fait directement au niveau de l'ADN, et qu'elle se fait par l'inactivation d'une répression, c'est-à-dire qu'en général les gènes ne s'expriment pas, et que dans certaines conditions de culture des bactéries, en fait, on supprime cette inactivation, et qu'à ce moment-là, justement, le message génétique contenu dans l'ADN s'exprime en ARN messager et forme finalement des protéines. Dominique Stoppa-Lyonnais, sur cette notion de régulation des gènes, qu'est-ce que ça permet d'établir et de comprendre immédiatement? Et on va bien évidemment ensuite arriver à d'autres notions, au génie génétique, mais sur cette notion de régulation des gènes. Comme Laurent Loison l'a dit, ce qui est essentiel, c'est de comprendre la différenciation cellulaire, mais c'est aussi un pas vers, peut-être pas, enfin, on pourrait, oui, même introduire dès maintenant l'épigénétique, qui permet la modification, la transmission d'une cellule à l'autre, voire parfois d'une génération à l'autre, de modification de l'expression de gènes. Voilà ce que moi ça m'évoque. Enfin, mais c'est C'est essentiel de comprendre, bien sûr, la régulation de l'expression des gènes. Laurent Loison, vous parliez d'une autre révolution dans la génétique, c'est l'arrivée dans les années 1970 du génie génétique. Je crois qu'il y a quand même une relative traversée du désert pour l'ADN entre les travaux de Watson et Crick, entre les travaux grossièrement des années 50, début des années 60 et les années 70. Est-ce qu'à ce moment-là, on a pu faire le tour de la compréhension de l'ADN avec les moyens dont on disposait à l'époque? Et est-ce qu'il faut attendre de nouveaux outils technologiques pour aller encore plus loin? Oui, c'est exactement ça. La théorie est achevée autant qu'elle puisse l'être, évidemment, dans une première formulation à peu près au mi-temps des années 60. Et à ce moment-là, en fait, on n'a pas les outils pour aller plus loin. On n'a pas les outils pour étudier le fonctionnement moléculaire des gènes, notamment pour les cellules eucaryotes. Hein. Tous ces travaux sont réalisés sur des bactéries et sur des virus, c'est-à-dire des organismes relativement simples du point de vue de la structure de leur matériel génétique. Et on n'a pas ce qu'il faut pour aller plus loin. Et donc, du milieu des années 60 au milieu des années 70, en fait, il y a une sorte d'arrêt dans cet élan de développement de la biologie moléculaire, jusqu'au moment où on a les outils nécessaires pour aller plus loin, c'est-à-dire des enzymes de restriction, par exemple, pour couper l'ADN à des endroits précis, et qui vont permettre ce qu'on appelait à l'époque les techniques de l'ADN recombinant. C'est-à-dire ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait de pouvoir insérer des gènes d'une espèce dans une autre espèce. Et ça arrive timidement dans les années 72-73, et ça va devenir plus important seulement dans la deuxième moitié des années 70. Dominique Stoppa-Lyonnais, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe dans ces années 70 en termes de génie génétique, qu'est-ce qui est mis en place d'un point de vue expérimental et technologique pour manipuler, j'enlève toute connotation négative, pour manipuler l'ADN? Eh bien, c'est en fait, on a utilisé l'ingénierie bactérienne pour développer le génie génétique. Laurent Loison l'a dit, les premiers sont les enzymes de restriction, mais aussi je pense aux ADN polymérases qui sont des éléments clés dans la capacité qu'on verra après de séquencer l'ADN. Donc le génie génétique a eu les outils ont été essentiels et je pense par exemple les enzymes de restriction ont permis donc en fait ça permet aux bactéries de couper l'ADN d'un ADN étranger à des séquences bien précises. Et bien on a utilisé ces sites de restriction pour faire une cartographie chez l'homme de régions qui peuvent être modifiées, qui peuvent être variables. Et la cartographie, ça a permis de faire une cartographie génétique et ça a été le début de l'identification de locus, de gènes, de maladies. Mais ça, on verra peut-être après les différentes bien applications. Sûr. Bien sûr, on va parler tout à l'heure du séquençage. Laurent Loison, quand même, si on revient à cette question du génie génétique, il y a quand même de grandes techniques qui se mettent en place, qui sont quand même pas rien. Si on regarde maintenant a posteriori, on parle de clonage, on parle d'OGM. Est-ce que tout ça se met en place à ce moment-là? Alors tout ça commence à se mettre en place, comme ça vient d'être rappelé, dans les années 70. Mais il faut bien voir que les étapes chimiques de manipulation sont extrêmement laborieuses à ce moment-là. C'est très artisanal. Ça prend des jours et des jours pour faire un séquençage qui est extrêmement faible en termes d'informations. Et la durée des expérimentations fait que les avancées sont extrêmement progressives dans les années 70 et 80. Et en fait, ce à quoi on assiste, mais Madame Stoppa-Lyonnais pourra en parler mieux que moi, depuis une vingtaine d'années, c'est une explosion des techniques qui permettent du séquençage au débit, qui permettent de faire des choses en quelques minutes qui, auparavant, n'auraient même pas été pensables à l'échelle d'une vie de chercheur. Donc oui, ça commence à se mettre en place, mais les techniques sont lentes, sont très coûteuses, en homme, en matériel, en place. Et donc c'est un début extrêmement progressif et qui ira en s'accélérant seulement à partir de la fin des années 80 et du début des années 90. Et il y a notamment une technique qui va permettre d'aller beaucoup plus vite dans la manipulation génétique. C'est ce qu'on appelle la PCR. Et ça, on entend beaucoup parler. La PCR, maintenant, qui est devenu un terme familier. Voilà, malheureusement. Et l'inventeur de cette technique va d'ailleurs recevoir le prix Nobel. Hein. On a bien compris à quel point ça change concrètement la vie dans les laboratoires de pouvoir faire ça. On peut rappeler peut-être quand même en quoi consiste cette technique? Oui, alors c'est une technique. Le principe est assez simple. En fait, vous utilisez des enzymes de restriction, donc des enzymes qui coupent l'ADN à des endroits bien précis. Et en faisant ça à la chaîne, hein, c'est ça que ça veut dire PCR, polymérase chaîne réaction. Si on le fait plusieurs fois, en fait, on arrive à augmenter considérablement la quantité d'ADN dont on dispose. Et à partir de là, en fait, on peut faire des manipulations génétiques beaucoup, beaucoup plus facilement parce que l'ADN, on l'a pas sous forme de traces moléculaires, mais on l'a en très grande quantité. Donc le principe de base, c'est ça. Dominique Stoppa-Lyonnais, vous souhaitiez réagir? Oui, peut-être juste pour, si vous me permettez de décrire en quelques mots la PCR, qui est vraiment quelque chose de formidable, c'est que finalement on prend ça, comment dire, on prend un ADN et on sait maintenant, on sait synthétiser des petits fragments de nucléotides. On parlera d'oligonucléotides et il suffit d'avoir une vingtaine de nucléotides, donc ce qu'on appelle les oligos, qu'on va mettre sur un brin d'ADN, et puis on va aller à, par exemple, 100, 200, 300 même, 1000 paires de bases plus loin, on va prendre un autre oligonucléotide qui sera sur le brin complémentaire, et on met dans le tube à essai de l'ADN polymérase, on met du calcium, on met tout ce qu'il faut, et on dénature l'ADN, l'oligo s'hybride sur la région spécifique qui est à amplifier, les deux oligos s'hybrident, ADN polymérase, donc d'un fragment on en fait deux, puis de deux fragments on en fait quatre, et puis n de puissance n. Et la PCR agit un peu comme une loupe, mais à l'envers, elle amplifie ce que l'on veut voir et elle met le reste de l'ADN devient une espèce de bruit de fond. Et juste ce que je voudrais aussi souligner, c'est que les premières PCR, moi j'ai fait les premières PCR avec, c'était vraiment il y a très, très longtemps, où on dénaturait l'ADN, donc dans un bain à 94, au risque de se, de 94 degrés, de se brûler. Et puis ensuite on faisait l'hybridation, en général 55, 50 degrés, et puis ensuite la polymérase à 72 degrés. Et on est allé chercher une polymérase bactérienne qui résistait à la température, ce qui évitait de remettre dans le tube à chaque cycle de la polymérase. Et on est allé chercher ces bactéries qui vivent dans des conditions extrêmes en Islande, dans des geysers, et dont l'ADN polymérase résiste à ces températures très élevées. Voilà, c'est juste pour souligner que finalement, une très grande partie du génie génétique, c'est viennent des bactéries, même CRISPR-Cas9 aussi, ça vient de la connaissance des bactéries. Ces techniques de génie génétique, oui, Elles se sont normalisées, finalement c'est devenu beaucoup moins compliqué de les réaliser. Vous évoquiez tout à l'heure la question du séquençage. Dans les années 70, c'était encore quelque chose d'extrêmement laborieux. On a pu séquencer le génome humain dans sa totalité, je crois, au début des années 2000, Laurent Loison. Aujourd'hui, est-ce que séquencer le génome humain, alors on peut rappeler d'abord ce que signifie séquencer le génome humain, et on peut aussi expliquer en quoi ce séquençage ce que ça a permis d'établir. Oui, alors je pense que Dominique Stoppa-Lyonnais sera plus compétente que moi pour parler de ce projet. Mais l'idée, c'était d'avoir un projet international de séquençage du génome humain où, entre différents pays, on se distribue en fait les chromosomes à séquencer. C'est-à-dire qu'on souhaitait avoir une première version de la séquence du nucléotide complète sur la totalité du génome humain. Donc ça, c'est un projet qui a été lancé au début des années 90 et qui a mis une bonne dizaine d'années à se réaliser. Et effectivement, dans les années 2003-2004, il me semble, si j'ai bonne mémoire, on a eu la première version du génome humain séquencé complètement. Et à partir de là, on a pu réaliser un certain nombre d'autres travaux. Donc ça, c'était un projet collaboratif, international. Et en fait, c'était un projet aussi qui montrait bien quelle était la conviction de l'époque à la fin des années 80, c'est-à-dire un peu le moment où la biologie moléculaire est complètement dominante et presque un peu dogmatique sur certains points de vue. Et on pouvait imaginer finalement que, en connaissant complètement la séquence du génome humain, en fait, on allait toucher une sorte de Graal et toucher l'essence de ce qui fait l'humain par rapport à d'autres organismes. Bon, les travaux ont été très importants, ils ont eu un effet d'entraînement considérable, mais ils n'ont pas répondu à toutes les attentes un peu démesurées qu'on avait placées dans ce projet à la fin des années 80. Dominique Stoppa-Lyonnais, est-ce qu'on est revenu de ce « on peut tout expliqué par les gènes » qui a été peut-être émis par certains chercheurs au début des années 2000, au moment où on a séquencé totalement le génome humain? Je dirais que c'est normal. Pour avancer, il faut avoir des rêves. Idées, peut-être un peu. Voilà, à la fois des idées réductrices et des rêves. Et puis, c'est une espèce de marche en avant, on ouvre d'autres choses et puis on continue d'avancer. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, voilà, l'ADN ne nous a pas tout dit. Finalement, on parle surtout des 1,6% de notre génome qui code pour des protéines. Mais voilà, plus de 98%, c'est ce qu'on appelle de l'ADN non codant. Qui a un rôle très probablement majeur dans la régulation justement de l'expression des gènes. Il y a un consortium international ENCODE qui a pour objectif, c'est finalement un peu dans la même veine que le projet génome humain, mais objectif donc de mieux comprendre à quoi sert cet ADN non codant, alors qu'effectivement il y a des régions dans cet ADN non codant qui ont été extrêmement conservées au cours de l'évolution des espèces, et donc ça sert véritablement à quelque chose. Laurent Loison, peut-être que ce qui a mis un terme aussi à ce rêve de tout expliquer par les gènes, c'est une autre révolution. La science va de révolution en révolution, la révolution épigénétique. Alors pourquoi ces découvertes dans le domaine épigénétique ont complexifié la donne ? En fait, c'était des questions qu'on s'est posées dès le départ. On s'est dit, et notamment le groupe pasteurien autour de Jacob et Monod, puisque la totalité du génome est présente dans toutes les cellules, il faut qu'il y ait une régulation. Et puisque cette régulation est relativement stable au travers des divisions cellulaires, il n'y a pas de dédifférenciation anarchique en général, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une forme d'hérédité mitotique qui préserve en fait cette forme de régulation. Et en fait, c'est à travers ce questionnement qui est venue une discipline qu'on appelait évidemment pas à l'époque l'épigénétique, et qui consiste à comprendre comment la modification du génome, mais qui ne porte pas sur la séquence des nucléotides, comment une modification chimique d'une autre nature, en fait, active ou inactive les gènes, ou en tout cas peut jouer un rôle de ce point de vue-là, de manière éventuellement stable au fur et à mesure des divisions cellulaires. Voilà, donc c'est un peu cette question-là qu'a poursuivi l'épigénétique moderne. Mais après, l'épigénétique, c'est un terme valise qui regroupe énormément de choses. Et ce qui est le moins consensuel dans l'épigénétique, c'est ce qu'on appelle l'hérédité épigénétique, et en particulier l'hérédité épigénétique transgénérationnelle, c'est-à-dire le fait que certaines altérations de l'activité des gènes puissent éventuellement être transmises d'une génération à la suivante. Dominique Stoppa-Lyonnais, est-ce que c'est ça la prochaine frontière de la génétique, la révolution que j'ai schématiquement appelé épigénétique, mais on comprend que c'est plus compliqué que ça. Mais est-ce que c'est ça la prochaine frontière, finalement, dans votre domaine de recherche ? J'ai tendance à dire que l'épigénétique, ça reste, voilà, c'est de la génétique, et je pense que une grande partie des clés est dans, je dirais, l'ADN non codant que nous avons évoqué. Mais je pense qu'il y a il y a encore de grandes attentes en génétique médicale. Peut-être permettez-moi d'en dire un mot. C'est vrai qu'on séquence maintenant, on a des capacités formidables de séquencer les génomes entiers. D'ailleurs, je voudrais citer le plan France Médecine Génomique 2025 qui veut inscrire dans le parcours de soins du patient présentant une maladie génétique rare ou présentant un cancer grave, donc séquençage de son génome pour essayer de comprendre sa maladie, trouver des cibles thérapeutiques. Mais si on s'est séquencé, je dirais transformer des données de séquençage en informations qui ont un intérêt clinique, dans la compréhension d'une maladie, voire dans la compréhension de la physiologie, je dirais que c'est une autre paire de manches. Il y a encore beaucoup à faire. Et on comprend qu'il y a encore énormément de défis dans le domaine de la génétique. Merci beaucoup à tous les deux, Dominique Stoppa-Lyonnais, Laurent Loison, de nous avoir raconté aujourd'hui cette épopée génétique qui continue de s'écrire et qui continuera de s'écrire. Et comme tous les jours, on se quitte en musique avec aujourd'hui Kendrick Lamar, DNA. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition flow inside my DNA. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Umdenstock, Antonin Amberger, à la réalisation Milena Elig, à la technique aujourd'hui Valentin Bobinet. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Demain dans Eureka, nous allumerons le courant et nous vous raconterons l'histoire de la maîtrise de l'électricité. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. off, I got trouble, some heart inside my DNA. I just win again, then win again, like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine in is like a bird. You see fireworks and Corvette tires skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use a bitch, your hormones probably switch inside your DNA. Problem is, all that sucker shit inside your DNA. Daddy probably snitch, heritage inside your DNA. Backbone don't exist. France Culture. L'esprit d'ouverture.